Yeah, yeah, JB Master Blaze, Funky Flex sur le Mikey. En direct pour tous les gars de Boiry et toutes les sexy ladies. Yeah, Boiry c'est Brooklyn, c'est ambiance de dingue et grosse adrénaline. Ça fume de la weed au volant, ça tire au flashball sur les passants. Ici l'alcool est en vente libre, ça attise le ventre vide. On se bouscule dans le métro, on joue au tiercé dans les bistrots. On met des fleugis au charclos, au primaire on fume au catch. On fume de l'herbe avec des patchs, écoute ça. On se tape pour un mauvais regard. On rêve de compte en free fight dans les hangars. Dans les rues ça se tape à main nue, comme dans la cour des détenus. Si t'as des sous on va pouvoir parler. Tu veux de la cam, des flingues ou une meuf pour te sucer. Sache qu'ici y'a des représailles. On s'attaque même à la flicaille. Eh, on fait des pompes à même le sol. On fait des drips dans les sous-sols. La boîte de drip aux boîtes de jazz. Ça va partir en extase. Du pub branché aux soirées mousse. Dès l'entrée faut que tu les pousses. Les carrés nous font gollerie. Mais on a fait toutes leurs conneries. Le truc c'est de pas se prendre au sérieux. Le truc c'est de pas faire comme tous ces dalleux. Sache que sur les champs c'est Broadway. C'est cuir, capuche et kawaii. À cette heure-ci je te parle de ce que je connais. Je vis à 100 à l'heure. J'aime le risque et j'ai pas peur. Écoute ça, moi et le frôle on va réveiller les morts. Parce que chante, quand je chante on est hardcore. Alors ouvre toute ta porte, laisse tout passer. On a un message à faire passer à la société. Ouais, dédicace à tous les gars de la société. Les gros bonnets, toi-même tu sais, Sarko se reconnaît. Pas un cracheur de venin, je connais le chant du dragon. Je reste toujours sur le droit chemin. Pour un exemple pour mes futurs garçons. Des profondeurs au sommet des falaises. Mon son va te mettre à l'aise. Écoute ça, appelle-moi JB Master Blaze. Le mec qui défrait la chronique. Le gars qui va couler la tectonique. J'ai déterré la hache du guerrier. Car il le fallait. Il va à la Master Boy, j'arrive tout destroy. Je maîtrise le hip hop et la Smurf Dance. J'ai pourtant pas les bras de 50 Cent. Je vais lâcher du lourd, je vais lâcher du street et du underground. Pas de panique, c'est que le premier round. JB Master Blaze, Funky Flex sur le Mikey. En direct pour tous les gars de Boiry. C'est le hip hop, c'est ma passion. Je le savoure comme un fruit de la passion. Et reste patient, reprends une portion. JB Master.